Ce soir sera la deuxième participation du pestilentiel gobelin Sinistros et la deuxième partie de la Retro Undead de réanimation. Et déjà, je commence à me poser cette question. Suis-je vraiment aussi fou et cinglé que ça pour avoir accepté que ce triste bouffon de foire de troisième ordre revienne dans la morgue de réanimation? Oui. Qu'il m'ait transmis la peste, c'est une chose, mais l'avoir en face de moi et l'entendre pendant 2 heures, c'est plus que je ne puis en supporter, bien sûr. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque, lors d'une consultation, alors que le patient me demande si je pourrais le guérir, que cette peste de gobelin répond à ma place en disant « Drôle de question, vous voulez mourir encore? » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Retro Undead, Part 2, Sinistros. Oh oui. Go! Just send me a sign. well. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, la deuxième de l'année, en ce 30 janvier de l'an de disgrâce 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Et malheureusement, il a retrouvé son chemin. Sinistro, c'est là! J'ai retrouvé mon chemin, effectivement. Et ce n'est pas à peine perdu, car... Je me suis perdu la semaine dernière. Non, mais la semaine passée, là, on était absent, on s'en excuse, c'est que on a été invité à Brûle pour Point au Ed Sullivan Show, n'est-ce pas? Oui, on est rencontré un groupe émergent. Oui, un petit groupe prometteur, là, assez bruyant quand même. Très bruyant, très bruyant. Oui. Je vois, c'est des amplis Vox, je connais ça. Oui, comment les Beatles? Les Beatles. Les Beatles, c'est ça. En fait, Ed Sullivan nous avait invités pour parler de ces prestigieuses émissions qui est Réanimation, bien entendu, n'est-ce pas? Et de ton retour aussi. Et on a eu droit à ce concert de quelques pièces des Bee quelque chose. J'ai oui dire qu'il n'y a pas seulement Réanimation qui a arrêté durant la prestation de ces Beatles, même la mafia a complètement arrêté de faire ses activités. Tout à fait. Mais nous sommes de retour cette semaine pour la deuxième partie de cette Retro Undead qui finalement, on l'avait annoncé lors de la première émission de l'année qui était pour se prolonger sur trois émissions. Jusqu'en juillet. C'est parti pour être ça. Ça va être sur quatre, finalement, et évidemment, c'est la faute à Sinistrose. Oui, c'est toujours de ma faute. Et, faute d'avoir un symphorien dans le studio. J'accepte mon retour avec... J'ai le dos large, pareil. Oui, si c'était pas le cas, je pourrais t'opérer pour faire... Oui, ça pourrait être de la salsa aussi, au nom de la samba jazz, tiens. De la samba jazz? Oui. Je sais pas si ça existe, mais ça sonne bien. Oui, ça sonne pas bien. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre The Doomsday Kingdom, qui est un des projets de Life Aid League de Candlemas. C'est une pièce intitulée Hand of Hell, qui est tirée de l'album éponyme de Doomsday Kingdom. Qui est leur premier, d'ailleurs. Leur premier album. Ça sonne très Candlemas, avec un petit côté un peu plus power metal par bout. Je suis d'accord. Ben, c'est excellent. C'est excellent, je suis moins d'accord. Mais bon. Ça, c'est ton opinion ne compte point. Hein, là. C'est son but, je vois. Déjà, la rébellion. Et juste avant? Nous avons eu peut-être un choix peut-être commun, mais... Malheureusement pas. OK. Fait, toi, tu ne l'as pas aimé. Ça m'a laissé indifférent. D'accord. Obituary avec Lesson in Vengeance, tiré de l'album éponyme Obituary. C'est pas leur premier, bien évidemment. Obituary, moi, j'ai jamais été vraiment initié à ce groupe-là. OK. Uniquement depuis les deux, trois derniers albums. Mais là, t'étais où avant? Et j'étais parti peut-être rencontrer les Beatles quelque part. Je peux être resté spoté en 64, là. T'aurais dû rester là. C'est un peu comme dans la série où l'autre il retourne tout le temps à l'assassinat de Kennedy. Oui, oui, excellente série d'ailleurs. Fait que c'est ça, dans le fond, Obituary, j'avais jamais vraiment accroché, mais cet album-là, oui, parce qu'il était un peu plus enjoué et un peu plus rapide que les autres. C'est vrai qu'il est très enjoué, on les entend rire en oui, c'est ça, ils sont crampés, sais-tu, je vais donner mon opinion honnêtement parce que dire qu'il m'a laissé indifférent, c'est faux, c'est exagéré. Il m'a laissé très indifférent. J'ai carrément trouvé ça puant. Obituary, pour moi, c'est un groupe que j'ai apprécié principalement dans les années 90, alors qu'ils étaient, selon moi, un peu dans leur apogée, si on veut, avec des albums comme Cause of Death. Qui étaient des instigateurs de ce son-là. Qui étaient des instigateurs du death metal de la Floride. Tu sais, ce qu'on appelle aujourd'hui un traditional light death metal, si on veut. Là. Light. Oui, light, c'est light maintenant pour ce qu'on a comparativement. C'est du death metal allumé. Oui, c'est ça. L-I-T-E, je voulais dire. Cet album-là, j'en ai quand même parlé lors de la dernière émission qu'il y avait eu en 2017. Début 2018, le jadis. Dans la dernière émission de rock classique que j'avais fait avec Alain, bien sûr, et avec Tower, j'avais retenu le choix parce que je trouvais que c'était à peu près à ce show que je peux penser à rock classique. il y a des choses correctes, mais je dis indifférent dans le sens que je l'ai pas retenu dans mon top 10 et encore moins dans mon top mention. Bref, c'est ça. En ouverture de bloc, et bien justement, en parlant de mon top 10 mentions, le numéro 7, cette position 7, c'était Cut Up, formation qui vient de Värmland en Suède, et la pièce Behead the Dead, ce qui est assez... C'est une pratique qui était adoptée, surtout en cas d'invasion de zombies. C'est tiré de Wherever They May Rot, oui, excusez, qui est leur deuxième album paru le 24 mars sur Metal Blade. Ce soir, on continue, comme on l'a dit. On va se rendre jusque... Bon, on va faire de gros efforts pour se rendre au moins jusqu'au mois de juin, vers la fin juin. Il y aura aussi la chronique cinéma des titres que j'ai retenu en 2017, qui, soit dit en passant, est beaucoup moins longue que celle des séries télévisées. On va poursuivre de ce pas après... Non, on va aller en pause publicitaire à Sinistros parce qu'on va se faire gronder sinon. Ah non! Ah oui, on revient. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Hey man! Ouais. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide? Connais-tu, c'est fou? Mais hein, que je connais ça. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles. Parfait, mais y'a... Y'a qu'une chose que tu sais pas. C'est que toi aussi, tu peux animer à C'est fou. Étudiant ou pas, l'expérience n'est pas nécessaire et la formation est incluse. Je savais pas ça. Le formulaire, les informations... Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Sur cfou.ca. Vous trouvez ça charmant? Le Mathieu Plante Show vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier les rubriques jeux vidéo avec Samuel Girard et Frédéric Simon. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Loc Trotter est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.1. Vous êtes à CFU pour l'écouter. 89.1. Excellente pause. Oui, c'était très excellent. dans le prochain bloc... Ah, je devais dire, oui, j'ai oublié. J'ai vraiment manqué à mes obligations d'autres. C'est toi qui as manqué à tes obligations. D'invité. Tu devrais dire bonjour à Horace. Bonjour, Horace. Oh, il est pas content. Ah, il fait dodo, Horace. Il fait toujours dodo, Horace. Horace! Ah, il n'y a pas de bonne humeur. Non, il n'y a pas de bonne humeur pour tout. Comment tu fais pour le savoir? Il dit tout le temps la même affaire. Mais il se fout de ma gueule. Ce soir, c'est pratiquement un sinistro show. Parce que à travers les 15, 16, 17 ou 18... C'est juste moi qui ai sorti des bonnes affaires cette année. Oh, je l'attendais, celle-là. Je n'aurai que 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix. Donc, l'émission va être pénible. Anyway, on va continuer avec donc deux choix de Sinistro. C'est un des miens, mais débutons avec le tien. Qui sera? Ben, formation légendaire, peut-être un peu moins légendaire. Ben, là, tu es par légendaire. Ben, légendaire, oui. Un groupe qui existe depuis hier, tu sais. Ben, avant hier, peut-être. Ah. The Obsessed, qui s'est formé en 1980. Avec une gang de vieux bonhommes. Avec d'autres gars. Avec d'autres gars, éventuellement. Chansons à plusieurs albums, en fin de compte. C'est fort captivant ce que tu dis. Enfin, j'essaie de lire mon espèce de métal archive. C'est les lunettes. Oui. Les strauss, on les met pas en arrière de la tête. Ah, c'est ça l'astuce. The Obsessed sont de retour en 2017 avec un nouvel album, le premier depuis 1994, qui est intitulé... Oui, c'est cela, c'est cela. Alors, c'est grand retour avec un album qui percute. Ah oui. Intitulé Sacred, ça nous montre The Obsessed comme on a toujours connu avec les premiers albums. Un gros stoner, doom, très Black Sabbath, tiens, avec beaucoup d'éléments des hard rock des années 70, là, okay. C'est vraiment excellent, c'est pesant, puis ça fesse. Là. C'est cool. On va aller écouter les Obsessed, ça va être suivi de Vampire, ainsi que du deuxième, quatrième choix de la journée, de la soirée de Sinistro, ce droïde que je ne connais pas. Eh bien, pour les amateurs de Vector et compagnie, c'est le même type de métal influencé fortement par Voivod, mais... Ça doit être intéressant. C'est très intéressant. Je vais découvrir ça. Les Obsessed, let's go. We'll be right back.

19h48. Et vous êtes à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et ce, jusqu'à 21h en la compagnie de cette chose ignoble qui se nomme Sinistros et de moi, ce charmant... Cette chose ignoble qui se nomme pas Sinistros. Ben oui, fait, je peux pas dire que c'est faux ce que tu dis. Bon, ben, au lieu de dire des insignifiants, on fait jamais ça, nous autres. Non. Jamais. Moi, jamais. Non. En tout cas, toi... Moi, j'excelle là-dedans. T'sais. J'essaie tout de donner fait. Des bons cours. C'est vrai que là-dedans, t'excelles. Mais oui. C'est la seule chose dans laquelle tu excelles. Oui. So. On vient d'entendre la formation canadienne Droid avec la pièce titre du premier album Terrestrial Mutation qui a fait une très, très grosse bombe en 2017 chez les fans de thrash metal progressif. Disons que c'est des enfants. La Vector. C'est des enfants de Voivod. Oui, ils ont écouté beaucoup de. Coroner. De Coroner et de. Oui, Vector aussi, j'imagine, là, par la bande. Là, Ben, je connaissais pas, puis j'ai bien aimé. Oh, c'est très, très bon. Puis justement, la photo officielle du groupe, il y en a un qui a un chandail de Yes. Ça, oui, Fragile, effectivement. C'est cool, là. Leur premier album, d'ailleurs, pour ce trio canadien qui vient de l'Ontario, n'est-ce pas? Non, eux autres, ils viennent de. Mississauga, Ontario. Oui, c'est ça. T'as bien raison. Ben, je sais. Je connais pas le groupe, mais je sais d'où ce qu'il vient. OK. Je connais le groupe, mais je connais pas ça de l'Ontario. c'est pas grave. juste avant, nous avions le Suède à Gothenburg, la formation Vampire, qui fait partie, qui est le numéro 2 de mon top 10 mention. Vampire est leur deuxième album. Que je connaissais pas du tout. C'est la beauté de la chose. On va s'échanger plein de trucs. Imagine-toi, après avoir écouté au-dessus de 190 albums en 2017, celui-là, je l'ai pas vu passer. Ben, tu vas pas y remédier, j'en suis certain. De même que je vais le faire avec Droid. Vampire est leur deuxième album, comme je le disais, With Primeval Force, qui est paru le 21 avril dernier sur Century Media. Formation qui... Metal Archives lui donne l'étiquette de Trash Death Metal. Je suis plus ou moins d'accord. J'ai baptisé leur style du Transylvanian Metal. Transylvanian Metal. Ouais. C'est un heureux mélange entre, je dirais, un peu d'inspiration Coroner, comme on le disait. Il y a des petites influences très gothiques aussi, par bout. Oui, et en fait, je trouve que c'est assez original. Il y a un petit peu de Satan à travers ça, peut-être. Oui, un petit côté heavy metal de la British Invasion. Oui, tout à fait. Donc, la pièce étant Revenants, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et on a ouvert ce bloc avec un des choix du... The Obsessed avec la pièce Punk Crusher qui est parue bien évidemment en 2017 sur l'album Sacred qui est le premier album depuis les 23 dernières années dont le guitariste chanteur d'ailleurs qui est le leader du band a fait partie de Sun Vitus, hein? Oui, je pense dans les débuts de Sun Vitus J'ai fait alors une petite recherche là et puis, je vais te dire ça à l'instant, ça me le tente, là. Bon, ça me tente pas, finalement. Oui, ça me le tente. Ça me tente pas, ben. Sun Vitus, il était là quand même de 86 à 91, 2003 et 2008 à 2015 pour un total de 6 albums. Il a fait quelques albums, c'est ça. Donc, c'est quand même bien. C'est très bien. Un vieux routier, n'est-ce pas? Un vieux routier. Ou un vieux motocycliste, c'est ça. Il y a tous les allures, d'ailleurs, aussi. Sinistros, avant que je tombe dans ma petite chronique de cinéma, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on a en commun. Sujet qui va être très chaud et très... On va tenter de se limiter un peu, là. Un sujet de on est tous les deux fans de cette saga-là, je parle de Star Wars. Un sujet auquel tu connais rien du tout. Ben, à la lumière de mon appréciation, j'imagine que t'as raison. Je parle du huitième volet de Star Wars, soit The Last Jedi. Bon, OK, c'est beau, on a fini d'en parler. Là, ben, écoute, on va essayer d'être objectif. Ben, chose qui va être difficile, j'imagine. Mais... Finalement, je vais t'avouer que j'ai peut-être la difficulté à être objectif, moi, parce que je suis déjà extrêmement vendu d'avance. Ben, c'est l'aspect contradictoire qu'il y aura avec moi. C'est que, ben, non, moi aussi, je suis vendu à Star Wars. Mais un petit peu moins depuis L'Éveil de la Force, Rogue One, c'était fort correct, là. Ben, écoute, moi, là, le point principal qui t'es rendu trop vieux, c'est pour ça. Ben, c'est sûr que... Ben, je vois plus clair. Ben, je l'ai juste entendu, le film. Ah, y avait-tu des lettres 3D pour écouter ça? C'est que moi, ça fait 33 ou 34 ans que j'attends le retour de Luke Skywalker. OK, c'est parce que t'avais pas compris l'histoire encore, toi, là. Ouais, je savais même pas qu'il était malade, lui. Okay. Puis, je m'étais dit, et c'était l'attente que j'avais, parce qu'on fait le plus long Star Wars de l'épopée de Star Wars. Je vais te concéder ce point-là. On le voit 22 minutes, oui, bout à bout. Oui, oui, ben bout à bout. En petit bout de bout à bout. En petit bout de bout à bout. Et puis, la majeure partie du temps, quand on le voit, ben, il est hanté par ses démons, il est dans une torpeur, il est tourmenté. Puis, il est pas gentil. Puis, il est pas gentil. Je me dis, wow, come on, là, vous venez... Rian Johnson, tu viens de détruire les attentes des plus grands fans des premières heures. J'avoue que oui, on ramène le dernier Jedi, supposément, ben, on sait que dans l'histoire, c'est pas ça, là, mais on ramène le dernier Jedi pour one more last time, ouais. On nous donne 22 minutes de présence, puis en plus de ça, on a l'impression de faire. Il y avait plus de budget. Ça là. Se peut. On a l'impression de faire affaire, de voir quelqu'un qui est un débile profond. Là, j'ai été très déçu. Par contre, dans l'ordre d'être objectif, c'est un bon film de science-fiction, mais c'est pas un bon film de Star Wars selon moi. Maintenant, je vais avoir ton opinion. Ben, moi, je l'ai. C'est pas intéressant du tout. Tu l'avais dit qu'il fallait finir ça dès le départ. Non, moi, je l'ai aimé, mais tu sais, c'est sûr et certain que pour moi, Star Wars, c'est une grosse affaire, tu sais. Ben oui. Tu sais, j'ai même réussi à trouver Jar Jar Binks correct à l'époque, là, tu sais. T'es pas sérieux, ben, toi? Oui, ben là, c'est non, pas, avec le recul... C'est pas une question de manque de jugement, c'est une question de stupidité rendue là. Avec le recul, j'avoue qu'il me tape peut-être un peu sur les nerfs, mais ben, il le faut! Mais j'avoue que, tu sais, ça faisait partie du trip des Ewoks, puis c'est pas grave, là, c'est ça. Ouais, ça mais pas, moi, là, honnêtement, là, je pense que Walt Disney a tellement rendu la chose bonbon et tellement marketing pour être capable d'aller chercher un... C'est correct de vouloir aller chercher un maximum de public dans n'importe quoi que tu fais, là. C'est correct. Mais de dire qu'on va chercher les petits-enfants parce qu'il y a des belles bébelles qui viennent avec... Ouais, je peux pas parler. Dans le fond, je suis collectionneur de figurines de Star Wars. Ça, fait OK. Fait qu'ils sont venus chercher. Mais ils sont venus chercher en 1977. Ouais, 77 quand c'est sorti. Moi aussi, j'avais 8 ans. C'est fait que... Bon. Mais bon, t'as aimé, j'ai pas aimé. Oh, ouais, c'est pas grave. Ben voilà. Mais c'est pas plus grave que ça. On va construire l'émission quand même. Ben, je serais porté à croire que oui. Dans les films que j'ai retenu pour l'année 2017. Ah, ben, celui-là, il était plate, par exemple. Vous dites, c'est-tu lequel je veux parler? Ah, c'est vrai que t'es plate, finalement, on va passer à un autre. ils sont pas très nombreux, mais le troisième chapitre de la planète des singes, War for the Battle... J'allais même pas écouter. Ah, ben, il est bon. Il est vraiment... Ben, moi, écoute... J'avais bien aimé les deux premiers. Selon moi, le premier reste encore le meilleur. Mais War for the Planet of the Apes, c'est un très bon film de science-fiction. Très bien réalisé d'ailleurs. Écoute, on est rendu à un niveau d'image de synthèse absolument hallucinante. Là. C'est un bon film. Ça brasse. C'est là-dedans que les singes se mettent à se battre. Il n'y a pas de singes là-dedans. Ah, donc, les humains se mettent à se battre. Hein. Mais pourquoi tu parles? C'est pas parce que ça s'appelle la planète des singes que des singes. Là. Il y a des grenouilles. c'est la chasse aux papillons. Oui, c'est vraiment l'affrontement entre les humains. OK, non, je pense que je l'ai pas vu. Bon, tu te corriges le tir parce que ça vaut la peine de le voir. Autre film que j'ai apprécié, bien, c'est Logan. T'as vu Logan? Non plus. C'est un des bons films très anti-conformiste des films de super-héros de Marvel. C'est un Logan qui est très vieillissant. Ben, ça doit faire curieux parce que normalement, Logan, il s'en est immortel. Ah, ben là, si tu écoutes le film, tu vas comprendre pourquoi. Le professeur Xavier est pratiquement sénile dans une chaise roulante. T'sais, ça fait très... Ça dépeint de façon très différente ce qu'on a, comme l'habitude, de voir des X-Men et compagnie. C'est un Logan, comme je disais, fatigué, très humanisé en plus. C'est un bon film. C'est très peu conventionnel. J'ai beaucoup aimé. Film d'action à connotation comédie, c'est The Hitman's Bodyguard qui met en vedette Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Très peu conventionnel dans le genre. Très beaucoup d'action, beaucoup de violence, mais beaucoup de bons gags aussi. Donc, c'est un film que j'ai bien aimé. American Made, qui est un film à connotation criminelle, policier, même à tendance comédie, qui met en vedette Tom Cruise et Dom Hall Gleason, qui raconte l'histoire d'un pilote de ligne qui décide de faire des voyages pour le cartel de Pablo Escobar. Ah. Et c'est une histoire réelle. Donc, c'est un excellent film. Ça vire pas vraiment nécessairement comme il le voudrait. As-tu vu Alien Covenant? Non. Mais t'as-tu déjà vu de quoi, toi? Non. Bon, ouais, ça me passe. Star Wars. ben, le dernier nouveau-né de Ridley Scott, Alien Covenant, est un très bon film d'Alien. C'est un très bon film de science-fiction aussi. Ça vaut nettement la peine de le voir. Est-ce qu'il faut le voir la suite des autres, c'était ou avant, si ou après, possible, ou pendant? As-tu ou... vu Prometheus? Ben non. Oui, tu peux me le dire. Tu fais. T'écoutes ça. Je le dis plus, ça vaut pas la peine de gaspiller de la saline. Non, t'as bien raison. Vois Prometheus. Avant? Oui. Covenant après? Oui. OK. Mais tu vas faire un assemblage qui va être complet. Ouh, j'ai besoin d'un casse-tête, moi. Hein? Tu te ferais aider. OK. Ikea, c'est pas trop mon fort. Si tu dois avoir une garderie pas loin. Oui, vois, pas très loin. On se ferait un plaisir de t'aider. D'accord. Baby Driver, film d'action, connotation criminelle, qui est un film de qui raconte l'histoire d'un jeune qui est un espèce de... C'est pas un autiste, mais c'est quelqu'un qui est très, très focusé dans sa bulle, qui est un génie, mais qui est un conducteur hors pair extraordinaire. Et il est recruté par un gang de braqueurs de banque. Et ça tourne pas exactement comme il le voudrait. C'est un très bon film, très original. Est-ce que tu as vu le film de science-fiction avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds, Life? Non. Ah, mon Dieu Seigneur, ce qu'on va faire avec toi? À rien. Un film de science-fiction, non, on fera rien, effectivement. À connotation horreur, Life est un très bon film à voir aussi. The Founder? Non. Avec Michael Keaton? Non. L'histoire des fondateurs de McDonald's? Tu verrais, ça a l'air là. C'est super bon. Tu verrais? C'est génial. C'est génial. Et c'est là qu'on voit que c'est pas parce que t'as une bonne idée que tu te feras pas arnaquer. Et c'est vraiment génial. C'est l'histoire réelle des deux frères qui ont parti. Un, casse-croûte, qui s'appelait les frères McDonald's, si on veut, et qui a été... par accident, découvert par un représentant de commerce qui vendait des balayeuses, qui est The Founder, qui est apporté par Michael Keaton, qui dit « Mais c'est génial, votre recette! » Et qui décide de vouloir le populariser, en faire des chaînes. Mais il n'est pas droite-droite, le gars. Ah. Je recommande énormément de voir The Founder. C'est vraiment un très bon film. Guardians of the Galaxy Volume 2? Oui. Excellent. Oui. Il était très bon. J'avais apprécié le premier, mais celui-là, il est vraiment de loin supérieur. Il est très drôle. Écoute, même Batista, le lutteur, est génial. Dans son rôle, je dois le dire. Là. C'est mini Groot. Ah, je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Patriots Day. Avec Mark Wahlberg qui raconte l'attentat au marathon de Boston. Non, j'en ai écouté 10 minutes et j'ai arrêté. Ah, ben, il faut que tu vois ça parce que ça brasse tellement. Là. C'est épouvantable comment que ça brasse. Et c'est très bien. Ça, selon. Ceux qui étaient témoins, les survivants, ainsi de suite, on disait, c'est pas mal ça qui s'est passé. John Wick, Chapter 2, avec Keanu Reeves, t'avais vu le premier? Oui, j'ai vu le deuxième aussi, j'ai trouvé pas mal moins bon que le premier. Il est moins bon, mais compte tenu que j'ai pas retenu énormément de films en 2017, j'ai trouvé qu'il se démarquait des cochonneries que j'ai vues. Ça brasse quand même. Oh, ça brasse, mais il était un peu moins punché que le premier. Quand il rentre dans le garage, puis qu'il... Ouais. Ouais, ouais. C'est quand même bien. Est-ce que tu as vu de Ben Affleck par Ben Affleck Live by Night? Non. Très bon film de gangster. Excellent film de gangster, je te le. Il n'a pas été bien coté sur IMDb, je comprends pas pourquoi. Parce ouais, mais qu'il faut pas que tu te fies à ça. Oui. Ben non, je sais bien, mais ça donne toujours un aperçu. T'es quasiment mieux de te fier à Rotten Tomatoes. Ouais, effectivement. Mais il n'y avait pas une bonne cote, à peu près une cote d'environ 5,2. Alors que moi, je lui donnerais facilement 8. Là, c'est vraiment excellent comme film. J'ai eu une cote de 5,2, moi, je lui donnerais au moins 5,3. Ben, peut-être du 4-4. Et comme dernier choix, ben, ce que j'ai vu en 2017, c'est le remake de It. Ben, c'est pas un remake, c'est vraiment comme une suite, si on veut. It. Ça. Oh oui. Très bon film d'horreur. Pennywise est vraiment comme très tordu là-dedans. Vraiment très cruel aussi, là, contrairement à l'original qui avait été fait. Inspiré les années 90. Comment... Hein, ouais, ben 90 justement. Inspiré de la nouvelle de Steven Spielberg qui était un petit peu plus soft. Stephen King. Stephen King, oui. Qu'est-ce que je dirais? Spielberg, ouais. Stephen King, pardon. Celui-ci, il est pas mal dans le cru. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec... Ah, ben regardons ça. Dans celui-là, j'ai deux choix. Ah, ben c'est-tu le fun? Moi, j'ai... Ben, ouais. Ben, tu sais, j'ai deux choix, moi aussi. Ben, j'ai trois choix, finalement. Ben, parce que finalement, je les avais pas mis, moi, parce que tu les mettais. Que... Ah, ben, tu pourrais les mentionner. Tu vois que tu débutes le bloc avec Ideal's Divinity, et dans les fiches, je disais qu'on n'avait pas de choix commun, mais ça aurait pu être le cas ici. Ben oui, comme je te dis avec God the Throne puis The Monolith Dead Cult. C'est que un j'ai bloc... pas mis parce que je savais que tu les mettais, fait qu'on ne doublera pas nos trucs. Puis, tout à fait, considérons ce bloc comme étant un bloc commun. Ideal's Divinity, de la part de Sinistros, et moi de même aussi, on va entendre aussi God the Throne, qui est un choix commun, ainsi que The Monolith Death Cult. Qui sont enfin revenus à leur sonorité. Oui, oui, tout à fait. C'est parti, let's go. Thank you.

hath not known. C'est fou! Vous êtes assez fou! Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. Fier partenaire de la radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Loc Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFOU 89.1. CIFOU 89.1 FM. FM. h 33, et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, en compagnie de Sinistros et de moi-même, ce charmant Dr. Payne Pendragon. Oh, on se lance des fleurs. Mais il n'y a personne qui le fait. Ah, ok, t'as raison. Attends une pause en vie. Je suis pas inquiet du tout. On vient d'entendre un bloc qu'on a considéré comme étant des choix communs. Soit à l'instant, avant cette succulente pause publicitaire, la formation des Pays-Bas de Monolith Death Cult, qui est la huitième place de mon top 10 avec leur album et sixième parution Versus, qui est paru le 5 mai dernier sur Hammerheart, la pièce étant Seven Months of Mysticum. Quel excellent album. Ah, dis-moi pas qu'ils sont revenus comme Tetragrammaton et compagnie. Heureusement. C'était le temps, là. Oui, tout à fait, parce que le EP était paru avant, donc j'oublie le nom. Oui, on peut même l'oublier. D'accord, ça avait été très décevant. Juste avant, nous avions des Pays-Bas également. Guard the Throne, sixième position au niveau des mentions. Guard the Throne et leur dixième album, The World Ablaze, c'était la pièce titre. Ben, moi, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est vraiment un très bon album. Vraiment très, très bon. Sixième position de mention, comme je le disais, c'est le genre de groupe auquel, moi, personnellement, je m'attends pas tout le temps à quelque chose d'extraordinaire. C'est des choses intéressantes qu'ils font, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment très bien, The World Ablaze, qui est paru le 5 mai sur Metal Blade. Et en ouverture de bloc... Eh bien, on parlait lors de la dernière émission, jadis, il y a plusieurs temps de ça. Minutes de ça. Les groupes italiens... Oui. L'Italie avait un très fort bassin de death metal technique et très intéressant. Et de qualité. Oui. Ideos Divinity, ça en est un autre qui fait dans le death metal technique, mais pas technique pour nous garocher un paquet de notes d'en face. Non, c'est trop shreddy. Non, c'est ça. L'album s'appelle Advenience et la pièce était Angel of Revolution. Advenience, c'est le troisième album du groupe qui est... C'est comme formé en 2007. Le premier album est paru en 2012 et c'est très excellent. C'est oui, tout à fait. Des Romains, d'ailleurs. Et c'était leur troisième parution sur Unique Leader. Bon choix, Sinistros. C'est peut-être le seul d'ailleurs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on va voir comment tu vas te débrouiller avec le prochain bloc parce qu'il est tout à toi. Ben oui, il est tout à moi. Puis c'est un volet qui a... Profite-en réanimation, tu verras pas ça. Tellement souvent. Ben, vois-tu, j'en suis persuadé. Persuadé. Parce que, pas que c'est mauvais, mais parce c'est que pas vraiment ça sort un peu des sentiers battus. Un petit peu. On va y aller avec un bloc qui tire un peu plus sur le rock progressif et le hard rock. Et le occulte un peu. Le occulte aussi. Fait que on va y aller avec trois chanteuses. Oui. Avec la formation Earth Electric, qui sera suivi de Sabbath Assembly. Avec qui aurait pu être un choix commun. Oui, qui aurait pu être un choix commun. Quel merveilleux album. Je suis d'accord avec toi. Puis on va finir avec Avatarium, un autre projet de Life Aid League qui a sorti un nouvel album cette année, qui est aussi fronté par une dame. Oui, une dame, tout à fait. Fait que trois bands, trois tendances, années 70 pas mal, qui alliant le progressif au occult, doom, aller au psychédélique, aller au classic rock, hard rock. Fait que c'est tout un beau mélange. Fait que profitez-en, réanimation, ça arrivera pas souvent. On va laisser ça pour... rock classique. Mais qui dit pas souvent dit pas jamais. Non, c'est ça. C'est là, ça arrive là parce que je peux pas passer à côté. Ben, puis t'as bien fait d'ailleurs. Fait qu'on va aller écouter ça de ce pas. Let's go. Oh, 20h43, on vient d'entendre trois sélections de cet honorable Sinistros. Qu'est-ce que je raconte là, moi? Honorable. Honorable. Ah, oh, OK. C'est okay. La coche en dessous. OK, c'est juste ça. Ouais. J'avais compris. C'est bon. Un bloc consacré au vocal féminin, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Avatarium, autre projet de Life Aid League, qui malheureusement a dû quitter la formation physiquement, mais il va rester dans le groupe pour les compositions et tout. Physiquement? Oui, c'est parce que... C'est devenu un fantôme ou quoi? Oui, c'est devenu un fantôme. Non, mais Life Aid League, il y a d'énormes problèmes de santé. Ah. C'est pour ça qu'il joue presque pas live avec Candlemass. OK. Il y a un problème, c'est qu'il s'assit puis il s'endort, ou il s'endort, c'est là. Ben, il a juste resté debout. Oui, mais parce qu'il peut se faire très mal, là. Ah oui? Oui, c'est parce qu'il reste debout, il s'endort puis il tombe à terre, là. Ah, ben, écoute, c'est quelqu'un qui souffre pas d'insomnie, ça? Ben... Ça doit être plate un petit peu. Oui, j'imagine, oui. Je rigole, là, mais bon. Fait que oui, Life Aid League, il va continuer ses projets Candlemass, Doomsday Kingdom, Avatarium, mais c'est... De façon background, ah, un ouais, peu. C'est ça, en retrait, oui. Okay. C'est sûr et certain qu'il va continuer à jouer sur les albums studio de Doomsday Kingdom et compagnie, là, mm-hmm. Mais live, il ne peut plus. D'accord. C'était la pièce Into the Fire, Into the Storm, qui est sortie sous l'excellent album Hurricane and Hallows. On a eu tout juste avant Sabbath Assembly Shadows Revenge, qui est sur l'excellent Rites of Passage, qui met en vedette Kevin Hofnagel. De Gorgas aussi également. Effectivement. Oui. Album que j'avais présenté à Rock Classic lors de sa sortie, que j'ai eu énormément de difficultés à me procurer. Il était très long avant très que je le recevoir. Très difficile. C'était long avant de le recevoir. Moi aussi, ça a été très long. Puis justement, je me suis commandé un T-shirt. Ça doit faire 2 semaines et demie de ça. De la pochette? Ben non. C'est, c'est comme un genre de book qu'il y a dessus avec le logo de la Sabbath Assembly. Puis le t-shirt est paru encore. Là. Ah, écoute, mais ça vaut la peine. Mais Kevin Hofnagel, mais quel génie. Oui, mais là, j'ai vu passer qu'il y a un nouvel album qui sort d'un nouveau groupe, puis il est là-dedans aussi. Ah oui. Oui, je m'en vais revenir avec ça la semaine prochaine. Moi, là, j'adore sa façon de jouer. Ben oui. Discordance. Oui, c'est complètement spécial. Même dans Gorgas, ça fit au bout de son affaire. Absolument. C'est cool. Là. Tout à fait. On a eu l'excellente formation Earth Electric avec la pièce Solar qui est sortie sur volume 1 Solar. Moi, j'adore cette bande-là. C'est pas mal mon coup de cœur 2017. Non, c'est bien. Premier album pour cette formation du Portugal. On vous invite ce vendredi à écouter l'émission Rock Classic pour les vrais amateurs de vrai rock. Je fais un retour à Rock Classic cette semaine avec une émission dite programmation régulière. Rockmaster et moi allons vous présenter les divers segments habituels de Rock Classic, c'est-à-dire les albums classiques, les groupes obscurs, ça passe ou ça casse, les éphémérides bien sûr. Ma chronique est de retour aussi cette semaine. Bref, une émission qui devrait plaire à ceux qui ont du goût. Ceux qui en ont pas, Turn it off. C'est ça. Ce vendredi aussi, est-ce que c'est... Ah oui, je voulais te dire, j'ai écouté l'entrevue que tu as fait avec DJ Tower of Death. Très plaisant. Vraiment cool. J'ai fait ça sur l'heure du midi à job, assis à côté d'une porte qui allait dehors avec mon cellulaire. Puis c'était comme, go, on y va là. Ouais, non, c'était bien. C'est vraiment cool. Donc, il est rendu aux 2 semaines. Hein, je pense que oui. Oui, et donc, la semaine dernière, il n'y en avait pas. Donc, ça devrait être ce vendredi. Épisode de Subversion, Underground Québec, podcast sur SoundCloud. C'est le vendredi 18h30, à ne pas manquer. Le blog de Sinistros, bien sûr, Hurlemort, sur lequel vous pouvez voir... Un paquet de niaiseries. Vous pouvez lire les niaiseries qu'il dit en ondes. Et bien sûr, nous serons de retour, Sinistros et moi, mardi prochain pour réanimation, mardi 19h, pour la troisième partie de cette Retro Undead 2017. On va poursuivre parce que on va manquer de temps. Je crois que nous devrions être bons pour vous présenter un de mes choix, soit Violent Fire, formation anglaise, ou en bois, je sais pas. Et la pièce de Generation tirée de leur troisième album, Fear Those Whom. Ou Fear Him, qui est paru le 2 juin sur Century Media. Sinistro Suffocation de New York. La pièce The Warn Within the Dark, qui est tirée de Off the Dark Light, qui est paru le 9 juin dernier sur Nuclear Blast. et peut-être Karrack and Grin. Peut-être. Sinon, ben, Karrack and Grin et Vintersorg seront relégués la semaine prochaine. Tout à fait. Donc, on se quitte là-dessus. Matière Noire devrait être avec vous dès 21h. Ici même à Cifou 89.1 FM. Sinistro, ce fut presque un plaisir. Presque. On va essayer de presque remettre ça la semaine prochaine. Ben, peut-être si semaine prochaine, il y a. Voilà. Bon, ben, sur ce, allez tous! Vous faire foutre, bien évidemment. Let's go! But the mirror cracked.